Bonjour à tous et bienvenue sur comicstories.fr et sur nos écrans.com pour le deuxième épisode de Comic Stories sur nos écrans. Épisode un petit peu particulier puisqu'enregistré en deux fois, la plus grosse partie de l'émission que vous allez entendre a été enregistrée le 8 février, dimanche 8 février. Et puis le début de l'émission concernant la grosse annonce de la semaine a été enregistré par la suite, donc mardi 10. Donc ne soyez pas étonnés si même les personnes que vous entendez changent d'une partie à l'autre de l'émission. Au programme aujourd'hui, quelques news télé, quelques news ciné, mais d'une telle ampleur que elles nous prendront certainement un petit peu de temps. Et puis le débrief de la semaine sur Arrow. Je suis Mathieu et vous allez écouter le deuxième numéro de Comic Stories sur nos écrans. My name is Bruce Wayne, and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then they'll disappear, become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Avec moi ce soir pour cette émission, Elodie. Bonsoir tout le monde. Et Arnaud. Salut. Du côté de sur nos écrans. Et puis pour Comic Stories, Byron. Salut. Clément. Bonsoir. Et Elvire. Salut. Et Manon. Bonsoir. Et donc on va commencer, comme promis, par la grosse annonce qui est donc tombée ce matin très tôt, ce matin 10 février, un peu à la surprise générale. Personne n'attendait ça aujourd'hui et personne n'attendait ça en plus à une telle heure de la journée parce que c'était quand même déjà très très tard aux États-Unis. Et puis Marvel a fait apparaître sur son site internet un communiqué de presse qui annonce ni plus ni moins que le retour à la maison de Spider-Man. Arnaud, c'est toi qui a dû être le premier sur le coup, je pense. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu le contenu de ce communiqué? Oui, bah. Pour résumer, Sony Pictures garde le contrôle créatif du personnage, mais Marvel peut s'en servir. Et donc on a appris que pour commencer, le Spider-Man 3 qui était prévu pour 2018 est supprimé. Les spin-offs sont soit supprimés ou retardés à une date indéfinie. Et le personnage sera rebooté et apparaîtra d'abord dans un prochain film Marvel. Tout le monde parle de Civil War, Captain America Civil War. Mm-hmm. Et ensuite, un film solo arrivera le 28 juillet 2017. Et ce sera une coproduction Sony et Marvel Studios. Voilà. Donc, cette annonce a eu des conséquences sur la phase 3 de Marvel, puisque ce fameux film Spider-Man prend la place d'un film Marvel qui était Thor Ragnarok, je crois. Oui. Donc du coup, en fait, bah après tous les films par la suite sont décalés d'un cran. Thor est passé sur le slot suivant et puis ainsi de suite. Après c'est Black Panther qui a été décalé, etc. Pour finalement repousser les Inhumains à après Avengers Infinity War Part 2, puisqu'on aura Inhumains maintenant en 2019. Ça va être dur. Ça va être lointain et surtout que la mythologie est quand même bien en train de s'installer dans le cinématique univers, donc. Ce sera plus un film introductif maintenant, clairement. Mais il était déjà prévu pour terminer la phase, non? Oui, mais il était prévu quand même déjà un an plus tôt, 2018, ça semblait. Oui, même, si c'était, même si c'était loin. C'était sûr que ça allait pas être film introductif. Non, non, non. Mais on pouvait penser que le film Inhumans allait avoir un impact sur Infinity War. Et finalement, bah non, je pense que ça c'est aura plutôt l'inverse. Ça aura lieu après. Donc. Déjà, dès le départ, je pensais plutôt qu'il y avait des rumeurs comme quoi. Enfin, j'avais lu une théorie qui expliquait et c'était plutôt convaincant que ce serait plutôt l'inverse, que la fin d'Infinity justement aurait des conséquences sur Inhumans. Oui, parce que est-ce qu'on peut pas maintenant se prendre à imaginer que Infinity War serait plus ou moins lié à l'event Infinity, dans le sens où Attilan tombe lors de l'événement Infinity qui met en scène Thanos, et du coup, bah, tous les événements actuels sur les Inhumains dans les comics pourraient avoir lieu dans le film de 2019, du coup. Donc ça veut dire que tous les Inhumains seraient déjà introduits et que les gens qui c'est-à-dire qu'on connaît le MCU seraient déjà au courant de ce qu'est un Inhumain. C'est ça, on connaîtrait déjà les Inhumains, puisque de toute façon, on sait très bien que dans le film Avengers Age of Ultron, on en aura. Mais du coup, le film Inhumans traiterait les conséquences d'une grosse explosion de brume terrigène ou quelque chose dans le genre, comme on a pu voir récemment dans l'univers Marvel. peut-être. Mais bon, on est là pour parler surtout de Spidey. Première réaction à ce retour. Bah, très bonne nouvelle. Je pense que personne va regretter Amazing Spider-Man. Est-ce que quelqu'un va regretter Andrew Garfield? C'est la seule chose bien du film. Ouais. Ça dépendra, je pense, de l'acteur. Faut trouver mieux, quoi. Ils veulent un acteur plus jeune. C'est annoncé, ils veulent un acteur plus jeune. Ah bon? Ouais, bah, il a 31 ans. Il a 30 ans, mais il fait 18, donc ça va. Il fait jeune, hein. Il fait 18, comme un acteur de 25 ans qui joue des ados de 15 ans dans On essaye. Il est juste à souhaiter que dans le... que le film, le prochain film Spider-Man ne soit pas encore une énième introduction. A priori non, puisqu'il sera déjà apparu dans un film du Marvel Cinematic Universe, donc il sera déjà connu du public. Ouais, mais ce sera un reboot, donc... Oui, mais tout le monde connaît ses origines, on les a déjà vues deux fois au cinéma, et en plus, apparemment, il serait déjà en costume dans sa première apparition. Donc il serait déjà Spider-Man, pas besoin de revenir dessus, c'est clair. On les a déjà vus deux fois au cinéma en plus, donc tout le monde les connaît à peu près. Ouais, mais alors pourquoi préciser que c'est un reboot? C'est un reboot dans le sens où on change de personnage. Ouais, pour écarter tout ce qui s'est passé avec les autres films. Ok, d'accord. Pour montrer que c'est pas lié, que les deux univers ne sont pas liés. Mais donc ils pourraient refaire une origine s'ils veulent vraiment ne pas lier... Bah, l'origine serait la même. C'est la même, hein. Il est piqué et voilà. Ils peuvent en parler, mais pas nous le remontrer. Oui, voilà. Ça, ils le feront pas. Ce sera sûrement des allusions. Peut-être dans le générique. Oui, voilà. Oui, par exemple. Concernant sa première apparition, maintenant, tout le monde se tourne vers Civil War. Mais je vous rappelle une rumeur dont je vous avais fait part, moi, il y a maintenant deux mois, qui voulait que dans la scène post-générique de Age of Ultron, Avengers Age of Ultron, on assiste à une conférence de presse et que la caméra se focalise sur un photographe qui serait Peter Parker. Dans ce cas-là, il faudrait déjà l'acteur. Mais ils sont partis tu sais, ils sont repartis en tournage il y a pas longtemps, hein, pour tourner des morceaux, des nouveaux morceaux. Donc c'est peut-être que le deal était conclu, que c'était l'occasion de tourner ça, quoi. Et qu'il fallait au moins un Tony Stark ou quelqu'un pour pouvoir faire cette conférence de presse. Je sais pas, ça serait quand même plutôt décevant de voir sa première apparition dans une scène de 2 minutes et ensuite devoir attendre 2017 pour le revoir. C'est ce qu'ils vont faire avec Black Panther en même temps. Hein. Mais Civil War, c'est 2016. Oui, enfin, est-ce que... Il y aurait 8 mois entre les deux films, c'est pas... Ils ont dit qu'il allait faire une apparition dans le MCU et ensuite avoir son film solo. Est-ce qu'ils considéraient la scène post-générique comme l'apparition? Non, mais c'est juste du bonus. On parle de Marvel Studios, hein, c'est quand même les maîtres pour brouiller les cartes. S'il apparaîtra dans Civil War, on saura dans quelques mois. Voilà. Je pense qu'on le saura avant, parce que l'hypothèse de cette fameuse scène post-générique n'est pas encore remontée, mais quand même. Si j'ai envie de te dire, tu prends l'une des premières scènes post-génériques du Marvel Universe, que tu prenais la scène post-générique d'Iron Man 1, t'avais la première apparition de Fury. Et puis après, on peut avoir très bien un plan sur la salle de la conférence de presse, et savoir que parmi eux, il y a Peter Parker, sans savoir qui c'est, et le découvrir plus tard. Il y a plein de possibilités. Ça serait plutôt cool d'avoir un petit jeu comme ça, d'avoir une salle avec plein d'acteurs, et tiens, il y en a un parmi eux, on sait que c'est lui, mais on sait pas encore lesquels. Bref, tout ça n'est que spéculation, encore une fois, et on est encore parti pour de longues séquences de spéculation. Déjà qu'on était bien lancé avec les titres des films, alors maintenant, avec l'arrivée de Spider-Man. Non, mais là, Marvel, c'est quand même un sacré coup. Ouais, c'est ça, c'est un sacré coup, parce que tout le monde attend ça depuis 10 ans, voire plus, de revoir Spider-Man, même ceux qui sont pas forcément les plus fans, moi y compris, hein. Mais c'est vrai que là, quand tu te dis à l'idée de pouvoir voir Spider-Man dans un film qui est dans le Marvel Cinematic Universe... Bah, le voir au milieu des Avengers, quoi. Ça, le voir au milieu des Avengers, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est tout le monde, tous les fans de comics fresh, quoi. Fort, quoi. Maintenant, il manque plus que ça soit pareil avec la Fox. Oui, ouais, bah alors là, tu peux t'accrocher, mon gars. Ouais, c'est... Je me demande si ils avaient prévu ça depuis longtemps, quand ils nous ont annoncé tout le line-up. Est-ce que, je suppose que le deal était pas fait, mais je me demande s'ils avaient genre un plan B, ou au cas où ils arriveraient à signer un truc, ils changeraient tout. Peut-être. C'est possible qu'ils avaient déjà un scénario de Civil War avec Spider-Man. Je suppose qu'ils étaient en négociation depuis au moins 3 ans, hein, parce que ça se fait pas en 6 mois des négociations comme ça. Donc, est-ce qu'ils avaient tout construit autour de est-ce que Spider-Man vient ou pas? Après, peut-être qu'ils savaient qu'il viendrait et qu'ils savaient juste pas quand. Ouais. C'est Ça veut tout. dire qu'ils étaient très confiants alors. Voilà. Mais En même ouais. temps, Marvel Studios, avec la puissance de Disney derrière, Ouais, mais ça a dû être c'était une question de chiffres, hein, nécessaire. derrière. On a bien par le contrat. Ouais. C'était un nombre de zéros, quoi, c'est tout. Non, C'était. apparemment, il n'y a pas d'argent en Pas jeu. d'argent, je peux prendre sur Personne n'en nous. reçoit rien. Mais oui, ils ont fait ça comme ça. Oui. C'était pour la bonne Non, cause. mais. Ils ont fait pour ça pour les fans. Non. C'est pas parce qu'ils ont signé un deal en disant on va partager le personnage et on se partage les bénéfices que Marvel va dire on vous donne de l'argent. Puisque c'est plutôt. C'est ceux qui étaient dans la merde, c'était Sony. Donc au pire, ils avaient juste à dire vous avez produit un film de merde, tout le monde vous déteste. On n'a pas à vous donner d'argent si vous venez nous voir et on sait très bien qu'on va vous faire un bon film et on va redorer le titre du personnage, le blason du personnage. Donc je suis pas sûr que Marvel ait eu besoin de vraiment amener l'argent. On le saura jamais vraiment, ça, de toute façon. Au final, le deal, c'est pas que Marvel récupère tout le pognon, puisque Sony reste coproducteur et distributeur du film. Non, mais il faut se faire d'illusions, c'est une histoire de sous, hein. C'est sûr qu'ils ont signé À à. la fin, c'est sûr. Que Marvel leur ait donné de l'argent pour récupérer le personnage, c'est pas dit que c'est assez fait. Je suis pas certain qu'ils aient vraiment besoin d'aligner un chèque pour avoir les droits. Mais par contre, dire que au final sur tout ce que le film récoltera, dire que qu'ils vont gagner plus en pourcentage, ça c'est possible. On dit par exemple. Bon, d'accord, on vous donne pas de chèque maintenant, mais Ah on bah vous donnera oui. un tel pourcentage quand le film sortira et aura gagné, atteint tel machin. Ça oui, mais dire on vous donne tant pour récupérer les droits du personnage, non. Non, je pense que c'était plutôt Marvel un n'a pas eu accord besoin de de faire type ça. de ce que tu dis, oui. Mais au final, c'est pas très important en fait. Hein. Oui, voilà, nous Non. on est super On est contents, parfait. on a Spider-Man qui va revenir un peu avec tous les autres et c'est super cool. Juste une dernière chose avant de passer à la suite de l'émission. Qu'est-ce que vous pensez de du moment choisi? C'est quand même assez improbable de balancer en plus un communiqué de presse comme ça, juste ils balancent le communiqué sur Internet, sur leur site. En plein début de nuit aux États-Unis, parce que il était quand même très tard là-bas et très tôt chez nous. T'avais peut-être envie de faire un effet de surprise, que Ah pour bah le pour le coup. coup, c'est réussi. Bah oui, c'est ça, pour le coup, c'est réussi, personne. En même temps, s'ils allaient dire on a une grosse annonce à sortir, ils nous ont déjà balancé toute leur phase 3. La seule grosse news qui reste à sortir, c'était ça. Donc il n'y Mais avait plus de pourquoi à surprise. cette heure-là? Ah bah je sais Peut-être pas. qu'ils venaient de conclure le truc et qu'ils voulaient sortir tout de suite pour faire un buzz, quoi. Je Bah, sais ils pas, vont avant que plus. ça fuite peut-être, oui, mais. Ouais, remarque. Bah, avec Sony, il vaut mieux sortir avant que ça fuite, hein, parce que ça sort souvent. Et ouais, non, c'est. Enfin, je trouvais ça un peu bizarre. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui allait tomber, qui allait sortir et qu'ils ont voulu griller la priorité? Est-ce qu'ils n'avaient pas eu vent d'un leak possible? Ouais. Ça, c'est vrai que là, pour le Ça sent coup. un peu la précipitation, en fait, c'est ça que je veux dire. Bah, la précipitation, mais d'un côté, enfin, l'effet de surprise est total, quoi. Personne s'y attendait. Et c'est vrai que là, c'est tombé. Enfin, tous les connaisseurs, tous les amateurs de comics. Enfin, c'était tellement, on va dire, improbable ces derniers jours et tellement inattendu que voilà, l'effet de surprise est total. En même Finalement. temps, la précipitation, excuse-moi, c'est sorti le 9 février, on devait avoir une réponse en janvier. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait le fameux Spidey Summit, ouais. Enfin, bon, eh bien, on va clore le chapitre Spider-Man pour le moment. On va attendre d'avoir un peu plus d'infos dans les semaines qui viennent sur peut-être un casting, peut-être une vraie annonce concernant sa première apparition. Voilà, on guettera tout ça et on vous en parlera de toute manière dans les prochaines émissions. Clément, de ton côté, tu vas nous parler d'un film que j'avais adoré il y a 2 ans, X-Men. Donc là, ce sera le retour de Matrix, donc pour X-Men Apocalypse, donc le retour de Rose Byrne, je sais pas comment ça se dit. Rose Byrne, ouais, j'en sais rien, enfin Rose Rose, quoi. Byrne, je sais pas. Qui jouait le rôle de Moira MacTaggert, donc dans X-Men le commencement. D'accord. Alors, je disais il y a 2 ans, mais non, c'était l'année dernière, mais j'ai l'impression que. C'est déjà très loin, Days of Future Past. Allez, la rumeur de la semaine, elle est pour toi, Byron. Oui, puisque ce serait Angelina Jolie qui serait pressentie pour réaliser Captain Marvel. Captain Marvel, à savoir que c'est le prochain film de Marvel Studios. Enfin, non, pas le prochain, mais le premier, la première super-héroïne de l'univers Marvel. Et donc, un peu comme ce qui se fait du côté de DC, puisque ils avaient annoncé vouloir recruter une réalisatrice féminine pour leur film de Wonder Woman. Marvel aurait en tout cas l'intention de faire pareil et se serait penché sur Angelina Jolie. Et à savoir qu'elle a déjà réalisé un film qui sort qui est actuellement au cinéma et qui s'appelle Invincible. Ok. Eh ben, j'étais pas au courant du tout de cette rumeur. Ça me met un peu sur le cul. Ouais. Bah pourquoi pas. Elle est très en vogue à Hollywood en ce moment. Alors pourquoi pas. Alors aussi, mais c'est très sympa. Bah, je pense que si maintenant tu mets quand même Angelina Jolie en tant que réalisatrice, le film a déjà beaucoup plus de chances de se faire d'être regardé. Et je pense que c'est plus oui, comme la, nom, comme l'a dit Arnaud, elle est en vogue et tout. Et enfin, si tu mets un réalisateur un peu moins connu, je pense qu'il y aura beaucoup moins de monde qui iront le voir du coup. Alors que là, tu mets Angelina Jolie quand même. Et puis bon, ça se trouve, elle est plutôt. J'ai pas vu le film Invincible, mais apparemment, il a été bien réalisé, donc. Pourquoi pas. Ouais. Ah, Arnaud est plus sceptique. Bah, de ce que j'en ai entendu, quoi. Après. Le film est bien. La réalisation. Bah, si c'est son premier film, en même temps, il doit forcément y avoir quelques. C'est pas son premier, hein. Non, elle a fait des documentaires avant, je crois. Non, mais elle a fait un autre film, Angelina Jolie, L'échange, non, un truc comme ça. Je sais plus. Je sais qu'elle en a produit, mais. Eh bien, nous ferons une recherche sur la filmographie d'Angelina Jolie en tant que réalisatrice pour la prochaine fois. Pourquoi pas, on verra bien ce que ça donne, puis de toute façon c'est qu'une rumeur. Hein. Allez, on va passer à l'actu télé maintenant, et Arnaud, tu vas nous parler d'une série qui te tient à cœur, parce que c'est Titans. Oui, on avait appris à la fin de l'année, un pilote allait se tourner au début de l'année, un pilote de Titans pour TNT, et on a appris les personnages qu'il y aurait dedans. Donc il y aurait Dick Grayson, donc Robin Nightwing, Barbara Gordon, qui serait cette fois-ci en chaise roulante, et donc qui aurait le rôle de Oracle comme dans les séries pré-New 52. Il y aurait aussi Hawk and Dove, qui serait un couple là, mais c'est pas des personnages très très connus. Et il y aurait aussi Raven et Starfire, hein, qui sont des personnages iconiques des Teen Titans, mais qui sont pas des personnages très connus de l'univers DC. Oui, pas du grand public, non, c'est sûr. Pour Barbara Gordon, elle ne s'appellerait pas Oracle. Elle serait effectivement dans le fauteuil roulant. On ne sait pas. Le nom n'est pas prononcé. On ne sait pas de quelle origine serait la blessure ou la maladie ou on ne sait quoi qui l'aurait mis dans ce fauteuil roulant. Voilà, on sait juste que c'est Barbara Gordon. D'après le scénario que si t'avais lu, je crois que c'est Bleeding Cool qui avait eu le scénario. Peut-être, oui. Je sais plus. Enfin, d'après le site qui avait eu le scénario, tout n'était pas révélé. Par exemple, on apprend que Dick Grayson quitte Gotham et quitte son rôle de Robin, mais il n'est pas encore prononcé le nom de Nightwing. Il n'est pas encore devenu Nightwing. Mm-hmm. Peut-être que c'est pareil pour Barbara, ça arrivera plus tard. Oui, puis vu le rôle qui est décrit dans ce scénario, ça ressemble fortement à ce qu'est Oracle. Hein. Oui. Elle est en fauteuil, derrière son ordinateur, machin, enfin voilà. C'est... Ok, bah surveiller pour Titans, en tout cas avec des noms comme ça de personnages, le projet a l'air plutôt intéressant. Oui, beaucoup. On va passer à une autre série qui est en projet maintenant, du côté de Netflix cette fois, Elodie. Oui, on a du nouveau sur le casting de Jessica Jones. Carrie Ann Moss a été annoncée, donc la fameuse Trinity dans Matrix. Et normalement, elle devrait jouer une agent de police alliée à Jessica. Voilà. Alors décidément, le casting de AKA Jessica Jones. On a annoncé quand même David Tennant la semaine dernière. Oui. Là, on nous rajoute Carrie Ann Moss. Enfin, voilà, ça commence à devenir un truc vraiment all-star. Du lot. Netflix, quoi. Hein. C'est ça, ouais. Ils se donnent les moyens de faire venir un peu qui ils veulent. Netflix plus Marvel, en plus. En plus. On va rester du côté Netflix, Byron, puisqu'on a eu droit, enfin, la semaine dernière, au trailer de Daredevil. Oui, alors c'est un trailer qui a déjà, il n'était pas très très long, mais il révélait quand même beaucoup de choses, comme par exemple ben vraiment l'inspiration qui était Frank Miller quoi. On a vu un peu début du costume, on avait déjà vu en photo, mais je trouve que il était plus, il était, il passait bien à l'écran en tout cas. On a vu que ça allait être quand même très très violent. C'était vraiment dans l'ambiance qui était prévu, à savoir une ambiance un peu New York crade, enfin vraiment Hell's Kitchen quoi, et qui justement était pas trop mis en avant dans les films, dans le film. Ah oui, là on se dirige vraiment vers un truc hyper sombre. Ouais, et donc du coup ben il était vraiment plutôt vraiment cool, et ben ça donne vraiment envie de le voir. C'est là en tout cas la série que j'attends le plus. Et du coup, bah, va falloir attendre jusqu'au 10 avril. Ouais. On va revenir, on va prendre 2 petites secondes quand même pour parler un petit peu chacun de ce trailer et de ce qu'on en a pensé, parce que c'était quand même l'événement de la semaine dernière. D'abord un petit teaser de 15 secondes et puis enfin le trailer d'une minute et demie à peu près. Est-ce que vous êtes toujours aussi emballé par la série Daredevil maintenant que vous avez vu 7 minutes 30 de trailer? Encore plus. Totalement. Bah oui. Bah oui, encore plus. Enfin, j'attendais pas grand-chose aussi de la série parce que c'est un super-héros que je connais mal, entre guillemets, mais moi j'aime bien tout ce qui est, comment dire, les univers sombres, mais voilà, de toutes les séries de super-héros que j'ai vues pour le moment, c'est pas des grandes réussites, donc, mais bon, là c'est Netflix. Donc on sait pas. Donc j'attends de voir, mais oui, je vais regarder forcément et l'univers très sombre, m'intéresse beaucoup. Elodie? Un peu comme Elvire, du coup, j'attends pas grand-chose, donc même après le trailer, j'attends de voir, quoi. D'accord. Oui, alors que moi j'étais carrément emballé, voir le costume en mouvement. J'ai juste été un petit peu décontenancé par la manière dont le sens radar, entre guillemets, de Daredevil était représenté. Le fait de flouter simplement l'écran, enfin, ça donne l'impression qu'il voit flou alors que pas du tout, il est aveugle. Non, ils ont expliqué ça justement. Enfin, c'est pour le spectateur, pour qu'il comprenne sur quoi son sens se focalise. D'accord. Tu vois la scène où il est dans la rue, Oui, je le vois, il y a un et mec on qui est voit en juste net au la milieu, et voiture qui puis... est nette. Oui. C'est pour faire comprendre qu'en fait que son ouïe se concentre uniquement sur ce qui se passe D'accord. dans la voiture. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon... Après, il faut le voir peut-être plus longuement, et puis de manière plus régulière, pour pouvoir avoir vraiment cette sensation qui est Après, c'est souhaitée, mais... difficile à représenter, donc C'est sûr, c'est il n'y sûr. a pas 36 solutions. On a vu... Qu'est-ce qu'on a pu voir dans ce trailer? Un aperçu du Kingpin, alors vraiment de dos, voilà, en train de... Ah ben, de dos, ça donne envie, quoi. En train de mener... Oh là, putain, Clément, tu Non, non. dérapes Non, pardon. là. Non, mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Effectivement, il a l'air déjà très imposant, rien que de dos. Oui, voilà, c'est ça. Et assez menaçant. Et c'est le mec qui a l'air de gérer les choses de haut, en haut de sa tour, là. Enfin, il gère les trucs sans se mouiller, mais voilà, on sent quelqu'un qui mène un petit peu son affaire d'une main de fer. Ok, bah voilà pour le trailer de Daredevil. Donc le 10 avril, comme tu disais, Byron, encore 2 mois à attendre, 2 petits mois, ça va être long. Ça va être long, mais je sais pas, peut-être qu'on aura encore un Quelques petit images, trailer, ouais. peut-être, tu sais, ouais, Après, au moins quelques Netflix n'est images, je pas pense. forcément habitué à profusion de trailers. Oui, mais comme là, il y a Marvel Là, c'est derrière, Marvel, donc peut-être DC, qu'on peut espérer avoir d'accord. plus de trucs. Mais à la rigueur, c'est pas mal aussi ce modèle d'avoir un trailer d'une minute trente et puis bah d'attendre quoi. Après tout, avant cette fameuse ère Internet et compagnie, comment on faisait? On avait nos bandes annonces au cinéma et puis on attendait. Donc. Bon, papillon se calme. Ouais, mais ça a un petit côté charmant, je trouve quand même, merde. C'était mieux avant, hein, papy? Non, c'était pas mieux avant, c'était pas mieux avant, parce que quand même, on ferait pas de podcast si on était avant. Et puis tiens, bah, je vais enchaîner du coup sur c'était mieux avant. Bah oui, c'était mieux avant que cette série existe, ça c'est sûr, Constantine. Puisque on sait maintenant qu'NBC essaye de sauver sa série coûte que coûte, et essaierait, parce que c'est tant que c'est encore là une rumeur, essaierait de la sauver, mais pas sur sa chaîne, parce qu'ils sont pas fous non plus. Ils essaieraient de refiler le bébé à Syfy, qui pourrait reprendre la série en la renommant Hellblazer, ou Constantine Hellblazer, pour conserver quand même le nom de Constantine dans le titre. Est-ce que le passage sur Syfy, à votre avis, pourrait être bénéfique à la série? Bah pourquoi pas, ils ont peut-être déjà un peu plus de liberté créative. Notamment vis-à-vis de la cigarette de Constantine. Oui, par exemple. Ou de choses comme ça, un peu. Parce que c'est un univers quand même assez. Assez sombre, ouais. Ouais. Ça serait peut-être plus la cible sur sci-fi. Peut-être aussi. Je sais pas. Mais encore moins de moyens, du coup. Ouais. Bah, de toute façon, c'est la même maison, donc. NBC et sci-fi, ça appartient au même studio, donc ils s'en foutent. Ils ont le même budget. Ouais. Bon, on verra. Enfin, c'est a priori la seule chance que garde la série d'avoir une saison 2 un jour. C'est clair. Vu les audiences sur NBC. C'est des catastrophes. Elodie, tu vas nous parler d'une série qui marche beaucoup mieux, en tout cas, vis-à-vis de la critique. Agents of S.H.I.E.L.D., qui a casté un inhumain. Oui, en effet, un Next Tomorrow People, même. Et c'est Luke Mitchell qui jouera un certain Lincoln, qui devrait avoir un rôle clé pour Sky et l'aider à mieux comprendre sa transformation. Donc voilà, il jouera un inhumain. Et rappelons que la série sera de retour sur ABC le 3 mars. Et là aussi, c'est un petit peu long. Même si John Carter nous permet de patienter de manière sympathique. C'est ça. C'est très très long. On va continuer du côté du casting et un nouveau personnage qui est annoncé, un personnage inédit cette fois dans Gotham, Elvire. Alors oui, il y a un nouveau casting, ce serait Milo Ventimiglia de Heroes qui jouera un tueur en série Jason Lennon dans Gotham. Et ça commencera à partir de l'épisode 19, un nouvel arc avec un nouveau vilain. Mm-hmm. Et je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Hein. Parce que c'est elle est déjà pas aidée la série, mais si en plus on rajoute des gens de Heroes. Bon, l'acteur je l'aimais bien dans Heroes, il était plutôt. Ah moi je c'était l'aimais plutôt pas. Correct quand même. C'était Sylar, ouais, hein, c'est ça. Non, c'était le chien. Celui qui vole. Hein. Ah merde. Ah oui bah non alors. Moi je. Tu vois pourquoi j'ai associé ce nom à Sylar et du coup je trouve j'étais ah content et en fait pas non. Du tout. Ah non en pas fait, du tout. Non c'était Peter Petrelli. Voilà. Ouais. Okay. Non, Peter Petrelli, c'était son frère. Non, c'est Nathan. Non, c'est Nathan, le politicien. Ah non, c'est Nathan, pardon, ouais. Excusez-moi. Ouais, pardon. Ok, oui. Ben, finalement, je suis emballé, ouais. Ouais. Quand on recadre bien. Ouais, qui c'était, Sylar, d'ailleurs ? J'ai oublié son nom. Zachary Quinto. Mais oui, ben voilà. C'est Spock. Voilà, c'est Spock. Donc bon, voilà, ben, non, comment enfoncer encore plus. Ah, je pensais Gotham. Revenir un peu vers Gotham, en fait, ça attendra. Et il joue aussi dans Chosen. Milo Ventimiglia. Mmh. Ok. voilà. C'est ça nous enthousiasme. C'est pour resituer un peu. Bah oui. Et puis la Fox, Clément a commandé une nouvelle série, parce qu'elle ne se contente pas de Gotham, et elle va proposer une prochaine adaptation de comics. Oui, donc ça sera Lucifer, donc par Tom Capinos, donc le créateur de Californication. Ok, donc Lucifer, série Vertigo. Ouais, c'est pour le moment c'est qu'un pilote effectivement, mais ouais. Mais bon, ils ont accepté Gotham après son pilote, donc a priori ils peuvent accepter un peu tout. C'est pas le pire hein, le pilote de Gotham en même temps. Oui, c'est vrai qu'il était quand même peut-être mieux que le reste avec le recul. Bon allez, on va se concentrer sur une autre série de l'univers DC maintenant, qui a eu 3 épisodes de diffusés depuis son retour. On redoutait beaucoup ces 3 épisodes de Arrow parce que c'est la série de la semaine. Oh, j'étais pas le seul à redouter cette trilogie, puisque c'est une trilogie centrée sur le personnage de Laurel Lance et de Black Canary. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous a annoncé ces 3 épisodes. Au final, c'était pas tout à fait ça. Et est-ce que finalement on n'a pas gagné au change? C'est la question que je pose. Et bien, qui veut commencer sur Arrow et sur ces 3 épisodes? Donc, les épisodes 10 à 12, c'est ça? Ouais. Il me semble que le dernier c'est le 12. Combien d'épisodes, Clément? C'est quand même. Enfin, j'ai l'impression que ça fait un peu comme la saison 1. Ça veut dire qu'on est sur une toute autre dynamique à partir de la pré-pause hivernale. En tout cas, ça m'a donné cette impression. J'avais vraiment peur pour le retour de Arrow parce que c'était vraiment. Je retrouvais plus la série que j'aimais et qui me plaisait. Et là, j'avoue que ces 3 derniers épisodes, je les ai trouvés plutôt bons. Et en fait, curieusement, finalement, durant ces 3 derniers épisodes, on n'a pas tellement vu le personnage d'Oliver Queen, en fait. C'était essentiellement centré plutôt sur, on va dire, sur les personnages secondaires, donc Eagle, Felicity, Roy Harper. Et j'étais agréablement surpris parce qu'en fait ça marchait très bien. Et pour une fois, on avait enfin un regardeur un minimum utile. Et de ce point de vue-là, c'était plutôt bien. On a eu un bad guy, donc je sais plus le nom. Comment? Brique. Brique. Donc, servait plus ou moins quelque chose, mais en tout cas, c'était, voilà, c'était assez convaincant. Donc, j'ai plutôt aimé cette arc. Après, ouais, je me souviens plus trop exactement, mais il y avait des trucs pas trop mal, d'autres trucs, On va se contenter pour le moment d'un avis un peu général, et puis on viendra en détail sur quelques points qu'on peut souligner, notamment ce qu'il advient d'Oliver. On reviendra là-dessus juste après. On va juste faire un petit tour d'abord d'avis un peu plus généraux. Elvire? Ah non, tu les regardes pas, toi. N'importe quoi. J'en choisis une, c'est pas là, c'est celle qu'il fallait pas. Arnaud? Oui, je suis dans l'ensemble, je suis plutôt d'accord avec Clément. Je pense que le fait d'avoir écarté Oliver pendant ces trois épisodes, ça a été bénéfique pour les autres personnages et pour la dynamique entre les autres personnages. Ça a permis de plus voir Roy, qui ne servait strictement à rien depuis 10 épisodes, de mettre en avant Laurel, même si on redoutait ça, elle s'en sort pas si mal. C'est pas non plus celle qui est au centre des épisodes, donc ça passe. Mais c'est quelqu'un de la personne qui est au centre des épisodes. Ben oui, c'est l'équipe. Parce que d'habitude, c'est Oliver, et puis il y a le reste de l'équipe qui l'aide. Alors que là, c'était tout le monde qui était au centre de l'épisode et qui tentait de résoudre l'enquête, d'arrêter Brick. Est-ce que quelqu'un a un autre avis que Clément et Arnaud? Ben moi, j'ai trouvé ça peut-être un peu décevant, le fait que Oliver revienne si facilement, en fait. C'est juste ça, en fait. J'aurais préféré plutôt voir, même si c'était pendant tout le reste de la saison, jusqu'à la fin de la saison, ne plus le revoir, en fait. C'est ça, en fait, il nous manque pas spécialement dans les épisodes. Les personnages secondaires arrivent à faire tout le boulot sans lui, c'est ça qui est super, en fait. Si tu dis que les personnages secondaires sont tellement bons, qu'il n'y a même pas besoin du personnage principal... Ouais. J'irai pas jusque-là, tellement bon, faut pas exagérer. Hein. Bah, il se non, révèle en tout cas, ça, il se révèle ça. En 3 épisodes, donc qu'est-ce que ça aurait été s'il avait eu une demi-saison carrément? Une demi-saison peut-être pas, parce que ça reste le héros. Mais le voir encore disparaître pendant 3-4 épisodes, ça aurait été bien. Ouais, voilà, et on aurait. Parce que là, en fait, t'as vraiment l'impression que sa mort elle est anecdotique, quoi. Que le mec, il a fait un voyage, hop, c'est réglé, personne n'en parle, quoi. Bah, disons que toutes les scènes un peu larmoyantes de Felicity ou de personnages comme ça qui réagissent à la mort d'Oliver, on n'y croit pas, puisque nous, dès le premier épisode, on sait. Donc on n'y croit pas, on se dit juste, attends, dans 3 épisodes tu le retrouves, enfin voilà, c'est tout. Clément? Très bien qu'on dise que... On est d'accord que le personnage est juste devenu insupportable. Ah oui, totalement. On est d'accord. Bah, Felicity, ouais, c'est un gros retournement de situation la concernant. Ouais. Ça commence à être chaud là. Mais c'est sûr, c'est bien de voir que tous les autres pouvaient, entre guillemets, servir à quelque chose, mais prennent de l'importance et peuvent se débrouiller sans Oliver, quoi, aussi sans Arrow et. S'en sortir sans lui. Et je trouve que Laurel, par rapport à son évolution en Black Canary, il y a eu une vraie évolution. C'est-à-dire qu'on la voit pas tout de suite en mode super-héros. C'est-à-dire qu'elle fait des erreurs, elle se trompe, elle se prend des gaufres aussi, c'est clair. Et c'est bien, enfin, c'est juste, voilà, elle sait très bien qu'elle est pas Sarah et qu'elle arrivera, enfin, en tout cas, pour le moment, elle arrivera pas à être comme elle, quoi. Et pour la première fois, en 3 saisons, son jeu m'a convaincu. Oui. À un moment. C'est la scène au téléphone. Avec son père. Quand elle se fait passer pour Sarah, j'y ai cru là. Et je crois que c'est la première fois depuis le début où je crois à ce qu'elle me propose, cette actrice, donc c'est cool quand même. Ouais. C'est pas cette acte-là, quoi. En fait, le personnage de Felicity a remplacé le personnage de Laurel en matière de tête à claque, en matière d'insupportable. C'est trop. Moi, ouais, je suis pas trop d'accord avec vous parce que moi, j'aime bien Laurel depuis le début, mais. D'accord. Alors j'aime bien tout est relatif, je trouvais que son rôle était servait pas à grand chose, mais j'aime beaucoup l'actrice, mais pour moi j'ai toujours préféré qu'Oliver aille vers Laurel que vers Felicity. Je sais, je dois être toute seule, hein, mais... Ouais, voilà. Bah c'est vrai que Felicity est tellement mise en avant et tellement bien écrite pendant 2 saisons et que forcément Bah pour le coup, on c'est avait nos qu'elle préf. irait mieux avec Flash, quoi, tu vois. Ben, depuis en fait que Flash est là, effectivement, on se rend compte qu'elle serait peut-être même mieux carrément dans cette série. Oui, C'est ça en fait le problème, c'est que à chaque fois qu'on la voit dans la série Flash, on la trouve très bien, aussi bien écrite qu'elle l'était avant dans Arrow. Et bah ouais, on regretterait presque qu'elle n'ait pas déménagé, ouais. bah, c'est le côté geek qui a plus de place dans Flash, je pense. Oui, c'est Mais ça. c'est là aussi on voit la différence avec Flash, c'est que Flash, ils n'ont pas des personnages secondaires aussi bien qu'ils pourraient vivre sans le personnage principal, je pense. Non, surtout qu'on est dans une série à pouvoir. Donc si t'as pas de pouvoir dans cette série, tu peux pas prendre la place ou quoi que ce soit. Enfin, t'es complètement démuni. C'est ça. Mais après, peut-être, il faut laisser aussi. Je pense que, ouais, je suis d'accord avec vous, mais après, il faut aussi. Parce que Arrow a quand même 3 saisons, et du coup, ils ont eu le temps d'étendre leur univers, quoi. Je pense que Flash, on pourrait très bien voir d'ici 3 saisons, un Barry, je sais pas, qui serait coincé dans la Speed Force et des personnages secondaires un peu dans le même cas, quoi, je pense. Oui, ça C'est pourrait, il faut possible, laisser le temps à ces mais. personnages Ouais, d'évoluer, voilà. c'est sûr. Surtout qu'on sait ce qui est censé devenir, enfin les amateurs de comics savent ce qui est censé devenir Cisco. certaines personnes de l'équipe de Flash, donc pourquoi pas. Felicity, voilà, tout ce qu'on a dit sur Felicity, je le trouverai jusqu'à sa dernière réplique. Mon Dieu. À sa C'était dernière réplique, je sais pas. oh, Je me suis dit peut-être qu'on est enfin débarrassé de cette intrigue. En fait, non. Ils vont nous la resservir dans deux Alors épisodes. peut-être que je suis très naïf, mais je me dis peut-être que enfin on se débarrasse d'un truc. On se débarrasse d'un truc, mais je Allez, pense partir avec son on va quand même le récupérer de l'autre côté, vu Oui, on qu'elle va va le aller récupérer de avec l'autre côté, comme ça, c'est Atom, sûr, c'est sûr. Mais à la rigueur, qu'elle aille faire son truc ouais. avec Brandon Rose, là, je sais pas comment. Avec Ray. Oui, avec Ray, et puis qu'elle nous foute la paix, voilà. On serait tous d'accord. On va pas se cantonner qu'à Felicity, on a parlé également, donc on en a parlé du retour d'Oliver. Ce qui m'intéressait aussi d'aborder avec vous, c'était le revirement entre guillemets de situation au sujet de. Et merde, j'ai oublié son nom encore. Merlin, Malcolm Merlin. Très intéressant. Bah non, moi ça Trop m'a un peu facile. énervé. Exactement, comme Elodie, trop facile. C'était très énervant parce qu'à chaque saison, chaque épisode, on voit un coup il est gentil, un coup il est méchant, on nous remonte son plan et en fait c'était un plan pour qu'il soit gentil, pour qu'il les aide. C'est très énervant. Faut choisir, soit c'est un ennemi de l'équipe ou il est allié. Mais pas un coup l'un, un coup l'autre. Bah surtout que là, le revirement a lieu en 20 minutes d'épisode, quoi. Et enfin, rappelons quand même que c'est quand même à cause de lui que Sarah est morte. Voilà, c'est juste ça. Il a quand même Oui. envoyé sa fille buter Sarah, quoi. C'est ça. Bon, sans parler de Il a comme envoyé la sœur il d'Oliver. a tué son fils et 500 et quelques personnes à Starling City, mais bon, Il a envoyé la sœur d'Oliver buter son ex-copine, mais ça va. c'est ça. Tranquille. C'est dingue. Non, mais puis c'est. Enfin, c'est ça, c'est trop facile. Et même Laurel, t'as l'impression que Laurel, elle était prête à l'aider alors que, enfin, elle sait très bien que c'est lui qui a tué sa sœur. C'était pas très logique. Ouais, bizarre tout ça. Par contre, gros big up au détective Lance, enfin au capitaine Lance maintenant. Parce qu'il nous a quand Oui, même ça m'a fait il nous a quand rigoler. même servi un Ah oui. festival de répliques dans le troisième épisode. Ah oui. Ne serait-ce que le petit commentaire sur le nom d'Arsenal. Ou pour la traduire en français pour les auditeurs. Où il demande si, en entendant le nom d'Arsenal, il demande si maintenant l'équipe d'Arrow tire les noms dans un chapeau. Je trouvais ça quand même incroyable. Et en plus, c'est vraiment un vrai clin d'œil par rapport à ce que nous on avait pensé quand le nom d'Arsenal avait été introduit, où ça semblait venir de nulle part. Oliver entendait ce nom-là et a dit ah oui, c'est comme ça qu'on devrait t'appeler. Mais au secours! Moi j'ai beaucoup aimé la petite blague sur Flash. Ah, c'est toi l'éclair rouge qu'on voit à la télé là? Oui, tu te trompes de ville, ouais, effectivement. Oui, il y avait quelques petites répliques comme ça qui étaient pas mal. Et puis bah celle, voilà, encore une fois de Lance à Roy Harper, quand il lui dit c'est bon, je t'ai déjà vu avec une capuche rouge, machin, tout ça. C'est qu'on parle quand même du mec qui est pas capable de reconnaître Oliver Queen. Hein. Alors qu'il avait juste au début du maquillage. Hein. Voilà, c'est ça. Donc une petite leçon d'autotroll, c'était pas mal. Donc finalement, on a eu des bons moments dans cette trilogie d'épisodes. Oui. Donc est-ce que, comme Clément le disait, on est parti comme sur le même schéma que la première saison, qui était un peu pénible à suivre en première partie, et puis une construction, une écriture tout autre en deuxième partie qui l'avait rendue intéressante. On va voir, bon, on peut pas encore le dire après trois épisodes, mais en tout cas c'est mieux parti. Bah, je trouve que le fait de je crois qu'on en a déjà parlé, mais le fait de faire des trilogies comme ça et plus des méchants par épisode, je trouve ça plutôt cool. J'espère qu'ils vont retenter ça, parce que ça évite quand même de faire des épisodes qui servent à rien en fait. Parce que dans ces épisodes-là, comme on l'a dit avant, les personnages secondaires, ils sont déjà, on a le temps de vraiment les explorer et ainsi de suite. Alors que l'année dernière, enfin même dans les deux dernières saisons, il y avait quand même des épisodes, c'était vraiment, ils étaient là juste pour faire le nom, quoi, et c'était vraiment embêtant de les regarder parce que il se passait quand même rien à la fin. Alors j'espère que, parce que je pense que jusqu'à ce qu'on voit Ra's al Ghul arriver dans la ville, je pense qu'il va se passer quand même pas mal d'épisodes et je me dis que ce serait peut-être mieux de continuer dans cette logique-là, en fait. Après, là où j'ai un problème, c'est que histoire de petits arcs comme ça, c'est que là on vient d'avoir un arc où en gros on avait l'évolution de Canary vers Black, enfin de Laurel vers Black Canary, en plus de toute l'intrigue du reste qui a évolué. Et là on va se diriger vers un nouvel arc de 2 ou 3 épisodes où on va voir l'évolution de Palmer vers Atom. Et après on aura quoi? On aura 3 épisodes où on va voir Deagle évoluer vers quelque chose Il a rien du qui... tout. Il y a une grosse rumeur sur Deagle. Je pense qu'il va mourir. Il y a une Ouais, mais grosse... Il y a une très cette très grosse... rumeur-là, elle est quand même vraiment. Elle est insistante, mais en même temps, ça fait plusieurs saisons quand même qu'elle existe. Elle est Donc. insistante et il a dit qu'il ne pouvait pas la démentir parce qu'effectivement, ça avait été discuté par la production à un moment et qu'il ne savait pas ce qui avait été décidé à ce sujet. Et c'est ça m'a vraiment manqué dans cet épisode-là, c'est que pendant les attaques, t'as Arsenal et Black Canary qui sont sur le terrain et lui qui reste dans le repère avec Felicity. Et c'est ça qui manquait, c'est que on se rend compte de toute l'évolution que tout le monde est devenu un super-héros, a développé ses compétences, des pouvoirs, etc. Et lui, il est resté au même stade où il a pas de costume, Il a enfilé la il a capuche quand même. une fois, il a enfilé le costume d'Oliver une fois. Mais C'était assez intéressant de le voir avec d'ailleurs. ça lui a pas plu, il l'a retiré tout de suite après. Pour revenir, pour rester en civil. Et c'est ça le problème, je pense. Tout le personnage évolue et pas lui. Donc faudrait soit que lui, finalement, évolue vers quelque chose. Green Lantern, j'y crois pas, mais il peut devenir autre chose. Soit que, bah, le personnage disparaisse. Parce qu'il a plus vraiment sa place, là. Mais si c'est pour rester, c'est un homme de terrain. Sauf que là, maintenant, tout ce qu'il fait, c'est qu'il reste avec Félicité à parler au téléphone. Félicité aussi, elle peut le faire. Ah, c'est ça Ouais, a duré un épisode, hein. Deagle, secrétaire de luxe, ouais. Bon. En même temps, il était chauffeur à la base, garde du C'est corps. ça, hein, donc après tout. Non, moi, il y a un autre truc qui m'a dérangé dans ces épisodes. C'est, alors, je me souviens plus des noms, Maceo, je crois, Ouais. et son ex-femme. Pour moi, il y avait un goût d'inachevé. Alors, j'imagine qu'on va avoir plus tard. Mais on sent qu'il s'est passé un truc, pourquoi Oui, il leur est... gosse est mort. Bah, c'est ce qu'on se dit, mais on s'attend à ce que ce soit révélé dans Ben, vous l'épisode. savez que moi, pendant un moment, je me suis demandé si elle n'était pas morte et que Oliver était le seul à la voir. Ah ouais. Ah non, j'ai pas pensé à Il ça. y a un gros moment où je me suis vraiment demandé, où je me suis dit c'est bizarre. Bon, Parce bah, que la frustration continue. quand elle lui parle, il ne lui répond pas, Maceo, et lui, il lui parle jamais, Maceo, il ne dit jamais rien à sa femme. Si, à la fin, il lui parle dans je sais pas quelle langue. Mais à un moment, il la protège. Quand Ouais. les gardes de Ra's al Ghul Oui, viennent enfin, en et... tout cas, voilà, j'ai eu ce sentiment à un moment, je me suis dit, tiens, ici. Bon, Non, mais je pense que ça doit être c'est. leur gosse qui est mort, il est pas là. Oui, je pense qu'il y a un truc avec Mais cet oui, je pensais enfant. qu'ils allaient nous le dévoiler dans les flashbacks directement dans l'épisode en Non, on le question. saura plus tard. Ah, mais justement, parce qu'ils en parlent dans cet épisode, et puis bah non, finalement, ils ne dévoilent pas, je Oui, sais un pas secret de comment. Polichinelle comme il y en a eu plein avant. Oui, voilà. Bon, en tout cas, pour le moment, c'est plutôt encourageant. On Oui. verra quand on reparlera de la série dans plusieurs semaines maintenant. On va laisser le temps à quelques épisodes de se diffuser et puis on reviendra dessus. Mais voilà, en tout cas, maintenant, j'irai moins à reculons. Pour regarder Aaron, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Quelle série tu prends plaisir à aller voir là, toutes les semaines? Flash. Vraiment? T'avais pas un Ouais. problème avec Flash à un moment? Agents of Shield. J'ai hâte. Non, Flash, oui, j'ai été déçu par l'épisode de mi-saison et puis par le retour après la mi-saison, mais depuis, je suis réconcilié avec la série, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, surtout que le dernier était excellent, donc... Ah oui, le dernier... Bah, dans le dernier, il y avait tout ce qu'il fallait, donc... À part Arnaud, je sais qu'il y a une petite chose qui t'a dérangé, mais bon... Et je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Oui, non, mais bien sûr que cette relation un peu triangle amoureux... Bah... Non, mais bon. Ah oui. On n'est pas là pour parler de Flash ce soir, de toute manière. D'ailleurs, nous allons profiter d'en avoir terminé avec Arrow pour répondre à un message, donc je vous l'avais dit tout à l'heure, de Gérald, enfin JJOTH sur Twitter, qui a dit qu'il aimait beaucoup cette émission, mais qu'il regrettait la formule où nous parlions de toutes les séries chaque semaine. Bon, déjà, merci d'aimer cette émission, pour commencer. Et deuxièmement, pour t'expliquer pourquoi nous ne faisons plus tous les épisodes chaque semaine... D'une, ça rallongeait les émissions de manière assez importante. Et puis, on avait un peu l'impression de se répéter, de semaine en semaine, de dire à chaque fois la même chose. Et du coup, ça devenait plus une routine que vraiment un intérêt de parler de telle ou telle série. Alors que là, on a un peu plus d'intérêt, j'ai l'impression en tout cas, de parler d'une série parce qu'on n'en a pas parlé depuis plusieurs semaines. Alors peut-être que ce n'est que moi hein, qui ai cet avis, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, cette formule permet un peu de moins se répéter. Je sais pas si on n'a pas vraiment parlé entre nous, hein, je sais pas si vous êtes d'accord. Bah ouais, c'est surtout que par exemple, bah, arriver à la mi-saison, je sais pas pour vous, mais moi, regarder tous les épisodes toutes les semaines, en fait, ça devenait un peu. Ça c'est vraiment corvé, quoi, en fait. Et du coup, bah, tu les regardais, mais parce que tu savais que pour être un minimum pour savoir de quoi tu parlais, mais. C'est comme Gotham, je préfère par exemple là depuis la trêve, j'en ai regardé aucun et je pense que le jour où on parlera de Gotham dans un podcast, je regarderai pendant la semaine ou là sûrement pendant mes vacances, je les regarderai d'un coup les 4 ou 5 à la suite, je sais pas combien on aura et je préfère faire comme ça plutôt que les suivre une fois toutes les semaines parce que quand même un épisode limite par jour, ça fait quand même beaucoup surtout que bah des fois t'as pas envie de faire ça le soir et je trouve que c'est beaucoup mieux la formule comme elle est, plutôt de pouvoir parler de vraiment bien débriefer un épisode, une série d'épisodes comme on vient de le faire avec Arrow, et du coup je trouve que c'est beaucoup mieux, on rentre plus dans les détails plutôt que passer et faire un bref compte-rendu de l'épisode alors que tout le monde pense en général à peu près la même chose, donc ça a apporté, mais pas autant que ce qu'on fait là maintenant je trouve. Pour les autres, un commentaire ? Moi c'est un peu c'est bien résumé. Putain, on regardait que Arrow juste pour le podcast. Voilà, non, mais il y a aussi une question de temps, on va pas se le cacher. Hein. C'est vrai que ça fait beaucoup d'épisodes à regarder par semaine. La saison prochaine, ça sera encore pire. Avec les séries Netflix qui arrivent en plus maintenant. Peut-être Titans, peut-être d'autres séries qui risquent de débarquer. Enfin, voilà. Ça va être. Voilà, encore iZombie bientôt. iZombie qui arrive, et je l'avais complètement zappé celle-là. Et voilà, ça commence à faire pas mal de choses à regarder à chaque fois. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu difficile de suivre le rythme. Et puis surtout, c'est plus sympa quand on parle tous de quelque chose qu'on a tous vu, plutôt que, bah tiens, il n'y en a qu'un qui a vu Gotham cette semaine, il n'y en a qu'un qui a vu Constantine, et du coup, bah, il n'y a pas vraiment d'échange. Pourquoi tu cites forcément Gotham et Constantine ? Mais parce que ça peut être aussi pareil pour Agents of Shield, parce que je sais qu'il y en a qui ne regardent pas, enfin voilà. Mais... Puisque bon. J'avais le nom, en fait, sous les yeux, parce que j'ai encore le conducteur de cette semaine sous les yeux, et c'est les noms qui sont en bout de ligne, tout simplement. Donc du coup, je les voyais. Voilà, donc ben, j'espère Gérald que cette réponse t'aura satisfait, même si malheureusement a priori on ne reviendra pas à l'ancienne formule, sauf si on avait un raz-de-marée de demandes en ce sens, on y réfléchirait en tout cas, peut-être la possibilité de passer à deux séries par semaine plutôt qu'une, enfin voilà, il y a plusieurs possibilités, mais toutes les séries, toutes les semaines, ça semble vraiment très très compromis. Et bien voilà, on est arrivé au terme de cette deuxième émission de Comic Stories sur nos écrans. Juste le temps de vous donner nos prochains rendez-vous. On se retrouve samedi pour le numéro 2 de la Padawan Edition qui répondra à la question « Où trouver ces comics ?». Mardi prochain, vous aurez droit au troisième numéro du mag. Et nous, on se retrouve jeudi pour le numéro 3 de Comic Stories sur nos écrans. Le débrief de la semaine, je sais même plus ce que ça sera. Donc eh bien, ça sera la surprise pour vous. D'ici là, bonne semaine, bonne série et à bientôt. Salut. Salut.